بسم الله الرحمن الرحيم ندخل الآن في المسألة الثامنة وثمانين 88e مسألة في قوله تعالى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Dans le sens où Allah dit, par rapport à Moussa, qui parle à propos de Pharaon, il dit, ô notre Seigneur, certes tu as accordé à Pharaon et à ses notables des parures et des biens dans ce bas monde, par lesquels ils égarent de ton sentier. Notre Seigneur anéantit donc leurs biens et endurcit leur cœur et qui ne croient pas jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Verset 88 de Yunus. قال المؤلف رحمه تعالى نص الله تعالى في هذه الآية على أن هذا دعاء موسى ولم يذكر معه أحدا ثم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. Donc ce noble verset d'Allah Azza wa Jal nous démontre que là il s'agit quoi d'un dua, une invocation de Moussa alayhi salam, et que Allah ne cite personne avec lui. Voyez que dans le dua c'est juste Moussa qui parle. Et dans la réponse, il dit, dans le sens, que votre invocation, c'est-à-dire à vous deux, a déjà été exaucée. Alors obéissez. Verset 89, c'est le verset qui est après. Donc là, on a quoi? On nous informe d'un dua fait par une seule personne et que la réponse est pour deux personnes. Voilà le jawab wadih. Quand là, « Anna Moussa lamma da'a ammana Harun ala dua'ihi wal mu'minun ahadu da'iyayin » وهذا الجمع مروي عن أبي عالية وأبي صالح وعكرمة ومحمد بن كعب الكورذي والربيع ابن أنيس وابن أنس والربيع ابن أنس قاله ابن كثير. Donc la réponse tout simplement que lorsque Moussa a fait le dua, celui qui a invoqué, celui qui a fait le ta'min, le fait de dire amin, c'est Harun alayhi salam. Donc le croyant est l'un des deux invocateurs. Et ce lien, justement, cette jonction entre les deux versets, a été rapporté par différents mufassirin, par différents ulama parmi les salafs. Et c'est ce qu'a rapporté également Ibn Kathir. Et là, c'était une mas'ala annexe à celle-ci, mais qui a un lien, une faïda ilmiya. قال وبهذه الآية استدل بعض العلماء على أن قراءة الإمام تكفي المأموم إذا أمن له على قراءته لأن تأمينه بمنزلة قراءته. Et que certains ulama ont pris ce verset comme preuve pour dire que le fait que si l'imam est le seul à réciter al-Fatiha dans la salat, et là par de sa jahriya, celle qui est à voix haute, que celui qui est derrière, qui est présidé dans la salat, a juste à dire Amin et n'a pas à lire la Fatiha également. Car le fait de dire Amin prend le jugement de la Fatiha. C'est-à-dire ça prend le jugement de celui qui a lu. Car dans le verset, c'est Moussa qui a fait le dua et c'est Harun qui a dit Amin. C'est-à-dire qu'après, Allah a répondu aux deux. Donc ils disent, si l'imam lit la Fatiha tout seul et que les Moumoun ne la disent pas, ne la récitent pas, mais qu'ils disent Amin, cela leur suffit. Là, c'est un call qui a été donné par des ulama. Mais le qol al-arjah, qu'on a pris de nos mashayikh, qui paraît le plus prépondérant, c'est que tout le monde dit la Fatiha. Mais qu'on dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la salata liman lam yakra bi umil kitab. Pas de salat pour celui qui ne lit pas la mère du livre, c'est-à-dire al-Fatiha. Et donc là, liman lam yakra, là c'est un lafz qui est âme. C'est général, donc ça concerne tout le monde. الله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين